Ouais, ouais, on va ton feu. Je me sers un verre. Je balance un pépère. Capuché un flash des bonbons. Si rapport il a fallu au Marseille, je crois que je l'aurais fait des pépés. Jack Dani, marché droit, tu essaies. J'suis en barreau, j'ai les yeux plissés. Et maintenant c'est pas les USR. Un jogging de foot, je me suis hissé. Ça a crié, viscère, pas pu, mais t'inquiète, ça revient, refrain, fais-nous pas chier. La police est vénère, battue, 3 étoiles au quartier, c'est le vénère battu. J'suis avec les gars, Joe, mec, me dis loin d'ici, un C4, j'y vais. Ça cavale, j'ai cardio, mec, j'ai le temps au cul plus que Cardi B. On soir à la mulette, j'ai perdu mon briquet, la chatte à la muleur. On barre au tabuleur, j'me tue là la fumette, j'en fume presque comme Muller. J'suis dans le peur, ça dégoûte trop tôt, pas de fuite pété, mais t'es full au ça. Comme tu sais, on a tout pété, on t'écoute putain, tu renfles le sang. Moi j'm'en racaillou, check de l'épaule, ça dit aïe aïe aïe. Poto aïe aïe aïe, personne à l'abri d'aïe aïe aïe. On maîtrise comme pas possible, foncé, ça fait 5 minutes, j'ai pas pissé. Des fois l'ambiance est pas paisible, bloqué, et dans mes clips y'a pas de poussi. C'est la deuxième partie, ok, t'inquiète pas, je suis partant. Je fais que la saleté, refrain, maudit par le sale temps. T'inquiète pas, on torse un petit con, c'est les vertigo, personne sur le quad. C'est tendu là, mon petit pote, c'est la série go. Pas tous sous le square. Absent pour l'examen, j'te nex à lutter du Luxembourg. Petit, j'étais dans l'excès, moi, pas de cahier, pas de Luxembourg. Absent pour l'examen, salut, j'te nex, t'es du Luxembourg. Petit, j'étais dans l'excès, moi, pas de cahier, pas de Luxembourg.